Donc, Hugues Clouet, qui est doctorant à Sciences Po, Adrien, pardon, à Sciences Po Paris, et qui est au CSO en même temps, va nous présenter à la fois ce doctorat professionnel et la mobilisation qui est donnée lieu de la part des doctorants, massivement, de Sciences Po. Exactement, donc ça va être une intervention qui se positionne entre plusieurs registres. Donc pour resituer assez rapidement, comme tu l'as dit, je suis en doctorat en sociologie, je travaille sur les questions de sociologie de l'emploi entre la France et l'Allemagne, rattaché dans un laboratoire particulier, donc le CSO, le Centre de sociologie des organisations, qui lui-même a des laboratoires de Sciences Po, donc l'institution de tutelle pour ce qui concerne les choix pédagogiques effectués, donc les choix de master, les développements de différents programmes doctoraux, entre guillemets, ici. Autre registre au titre duquel je parle, du coup, qui est cette question de la mobilisation, puisque je suis élu des doctorants, un élu au singulier, un élu dans tout Sciences Po, un droit, un élu au Conseil central. Donc je suis élu des doctorants au Conseil central de Sciences Po. Et je vais essayer donc de parler des doctorats professionnels au pluriel, en fait, à travers un cas particulier, évidemment, qui est celui de Sciences Po. Cette idée du doctorat professionnel, c'est un concept qui emploie également le mot d'ordre du professionnel ou de la professionnalisation, mais à des fins, on va voir, qui sont complètement différentes. Nous en avons pu discuter juste avant, notamment parce qu'en fait, ça se place en général à côté ou en face des doctorants, et ça ne les concerne pas directement, en tout cas les doctorants qui sont actuellement en exercice, voire même, ça pose des problèmes pour leur propre professionnalisation, c'est sur quoi je vais essayer de revenir. Donc cette idée, ça consiste à proposer à des personnes, en général consultants ou cadres dirigeants, d'accéder à un diplôme qui est notamment développé à l'étranger sous le nom de Executive Doctorate in Business Administration, EDBA, lequel diplôme consiste à effectuer une recherche appliquée à son propre contexte professionnel, une recherche appliquée à l'activité professionnelle qu'on mène, après avoir suivi des cours de méthodologie, tout en poursuivant cette activité, et généralement en 2 ans. Donc c'est ce cadre-là, ce type de contenu pour un diplôme qui est généralement mis en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle les doctorats professionnels, donc type de diplôme que Sciences Po a voulu imiter, en se disant, ah tiens, Dauphine l'a fait, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour le faire? Donc, ça nous a été glissé au détour d'une ligne dans un projet en 2014, c'est Sciences Po 2022, c'est un projet de planification à 8 ans de l'avenir de l'établissement. Donc, en expliquant que Sciences Po voulait engager une réflexion sur les offres de doctorat professionnel, sans plus de précision, et 5 mois plus tard, a ressurgi au détour d'une interview au Nouvel Économiste, la direction de Sciences Po, par la voix de son directeur actuel, qui expliquait qu'il y avait une demande, je cite, à laquelle nous ne répondons pas encore, certains engagés dans un parcours professionnel éprouvent le besoin d'approfondir une discipline ou une expérience acquise sous la forme d'un, entre guillemets, doctorat professionnel, les guillemets et dans le corps du texte, en consacrant du temps pendant 3, 4, 5 ans à un travail de recherche adossé à leur pratique professionnelle. Ce qui, en réalité, nous a été communiqué sous la forme dont je vous ai parlé, c'est-à-dire au lieu de 3, 4, 5 ans, c'était plutôt 2 ans pour pour le passage de ce diplôme pour un prix qui variait dans les estimations entre 23 000 et 25 000 euros. Voilà, on est sur des montants qui sont, on va dire, assez importants, d'autant plus dans ces temps de disette budgétaire, mais je vais revenir sur l'enjeu financier un peu plus tard. Donc, c'est un discours qui part d'une réalité empirique qu'on a constatée très vite, puisque le fait d'avoir tenu ce discours a conduit à générer une demande, du coup, finalement, de personnes qui se sont adressées à l'Institut en disant qu'ils avaient entendu parler de ce projet-là, que donc du coup ils avaient un intérêt, que donc du coup il fallait le développer, une espèce d'appel comme ça, une espèce de tentative de créer un appel d'air en faisant une pression par une demande extérieure. Donc un discours qui repose sur la vraie difficulté qui est l'accès à un diplôme doctoral, un diplôme bac plus 8, par rapport à des personnes qui sont en emploi, qui ont des problèmes évidemment d'aménagement, d'un emploi du temps, le cas échéant, qui ne peuvent pas étaler sur un nombre d'années important, qui ont une vie de famille également à côté, bon, l'ensemble de difficultés qui sont invoquées par des personnes qui voudraient accéder au doctorat. Donc ce sont des difficultés tout à fait réelles. Mais derrière, ce type de doctorat a été porté, en tout cas face à nous, par des personnalités de l'institution ou des personnalités extérieures qui siègent dans les conseils, parce que vous savez, Sciences Po est aussi à l'avant-garde du fait de faire siéger des personnalités extérieures dans les conseils qui siègent en masse, enfin qui siègent en masse, qui font des procurations en masse, qui sont là présentes de manière spirituelle en tout cas dans les instances, mais qui donc communiquent beaucoup, font parvenir leurs avis et leurs opinions très régulièrement, et qui ont développé un ensemble d'arguments inspirés de ce qu'ils appellent la société du savoir, notamment en mobilisant beaucoup de documents assez intéressants autour de la stratégie européenne, enfin des stratégies européennes dans ce sens, le traité de Lisbonne, Europe 2020, etc., en expliquant qu'il fallait redéfinir beaucoup la recherche, et que le doctorat professionnel s'inscrit dans une tentative de redéfinir ce que signifie, ce qu'est au sens général du terme, la recherche, avec notamment les discours autour de la recherche en ce qu'on appelle le mode 1 ou mode 2. C'est une grande perspective développée notamment par des chercheurs britanniques et des institutions de recherche britanniques qui affirment qu'en gros, la production de connaissances passerait d'un mode 1, qui serait quelque chose d'assez archaïque, à un mode 2, donc qui est meilleur déjà parce qu'on progresse dans le numérique, donc c'est automatiquement mieux, mais d'autres plus, ça signifie que les pratiques de recherche s'inscrivent maintenant dans une démarche de mise en application plutôt qu'une démarche de découverte, qui serait transdisciplinaire, d'être mono ou pluridisciplinaire, sont hétérogènes, ne suivent pas de structure hiérarchique, ne sont pas linéaires, ne sont pas non plus institutionnalisées au sein de structures universitaires. Bon, sachant institutionnaliser, on n'a pas trop compris non plus ce que ça voulait dire. Est-ce que ça veut dire pas de contrat de travail? Est-ce que ça veut dire pas de rapport hiérarchique? C'est de manière différente de désinstitutionnaliser des personnes qui travaillent dans un cadre donné, mais évidemment, ça pose un peu la ligne de conflit sur l'interprétation du principe de non-institutionnalisation de la recherche. D'où donc un doctorat professionnel pour que Sciences Po corresponde à ce modèle de la recherche mode 2 et répondre dans un second temps à certaines critiques assez récurrentes qui sont adressées au doctorat traditionnel. Donc il y a un aspect positif de développer une nouvelle recherche, un aspect réactif de répondre à une série de critiques qui sont la durée des études, les taux d'abandon, l'insuffisance des compétences transférables en application, l'absence d'esprit d'équipe qui est présumée, en particulier du fait du profil et de la motivation des étudiants que ça attirerait après le master de travailler de manière solitaire pendant des années, et la productivité très faible entreprise privée, mais là on retombe sur des arguments qui sont ceux qui sont mobilisés régulièrement lors des débats autour de la mise en œuvre dans les conventions collectives du doctorat, enfin conventions collectives, même généralement de la mise en circulation de la catégorie doctorale comme un référentiel sur le marché du travail, puisque même on prend des institutions comme Pôle emploi par exemple, ne permettent pas de rechercher des offres au niveau doctorat, par exemple Pôle emploi accumule toutes les offres en c'est pas plus 5 ou plus. Voilà, donc toute la question de la catégorisation, de la reconnaissance d'une catégorie spécifique. Qui s'oppose par ces arguments-là. En France, donc, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, qui fonctionne de manière massive dans les écoles de commerce, d'une part, mais surtout à Dauphine, au niveau universitaire, parce qu'il y a deux executive doctorates qui ont lieu à Dauphine. Le dernier qui a été créé, c'est le executive doctorate business administration. Et là, il y en a un très récemment qui est ouvert en termes de doctorat exécutif en affaires publiques. Donc voilà, ce sont les deux promotions, enfin les deux types de parcours qui existent, avec des promotions de 18 places annuelles pour un coût de 29 000 euros d'inscription. Donc ce qui évidemment cadre un petit peu le public éligible à ce genre de programme. Et j'en profite pour vous montrer. L'accès, je sais pas. Ici, vous avez accès à Internet ou pas? Oui. Moi j'essaie d'y accéder, mais moi mon ordinateur n'a pas marché. Mais... Alors en fait. Je vais vous montrer un exemple, faire un peu d'ethnographie conjointe en regardant. Ça dépend si normalement il y a. Non, c'est le programme, 29 000 euros. Il doit falloir passer par mon compte, j'imagine. Ah, il n'y a pas de compte. Non, mais sinon, moi je vous mets en Wi-Fi directement avec mon téléphone. Ah oui. Le programme de combien de temps Il est prévu pour entre 2 et 3 ans. Mais donc ça dépend en fait entre guillemets de la soutenance, mais bon, je vais revenir sur les types d'épreuves qui sont mises en œuvre. Hop là. Voilà, à moins d'avoir un point Wi-Fi qui va s'activer. Je peux continuer en attendant, je vous montrerai l'exemple. Il va s'appeler Android AP. Android. Mmh. Voilà, il va arriver incessamment sous peu. Donc c'est également promu par un ensemble de think tanks entre guillemets modernes et réformateurs, pour prendre le vocabulaire qui est adapté. Je pense notamment à l'Institut Montaigne, qui qui a fait une grande note en octobre 2014 et avait entamé un lobbying derrière, avec une proposition qui était revisiter le doctorat pour le mettre au cœur de la gestion et de la convergence entre business school et université, afin de pouvoir réformer le doctorat pour offrir la possibilité d'un doctorat professionnel type DBA, part-time PhD, répondant à des critères académiques rigoureux. On va voir évidemment la définition après autour de ces questions de critères académiques rigoureux. Alors, je vais vous donner un petit exemple.